du miel et des épices. Ils sont venus, ils sont tous là. Nous n'avons pas voulu leur gâcher la fête, qu'au moins ils se retrouvent entre eux. Il y a des mois que grand-maman n'a pas vu les enfants. Elle a déjà 89 ans. Ils sont venus, ils sont tous là. Belle-maman, beau-frère, voisin du dessus, voisine du dessous qui a fait le chauffeur, et les enfants. Elle, un superbe bouquet, lui, une magnifique terrine, fête des mères suisses oblige. Bonne fête, maman, je t'aime. Merci, ma fille. Mais vite, donne-moi le médicament que tu m'as apporté. Vite, que je le fasse prendre à papa. Mon amour, mon cœur, ma vie est prostré dans notre lit, en souffrance depuis 4 longues journées et tout autant de nuits, sauf pour de rares moments de rémission où j'ai réussi à le traîner au soleil. Que s'est-il passé? Je ne comprends pas cette rechute. Sueur, tremblement, angoisse, hallucination, tachycardie. La suite logique étant état de choc, convulsion, coma, mort. Tous ces mots barbares qui balaient pour un temps les misères de la terre. Pendant l'insupportable attente, chaque fois que j'ai eu quelques minutes de répit, dès que le sommeil l'a délivré de ses délires, je suis allée supplier la toile de me donner des solutions. Syndrome sérotoninergique, interaction entre médicaments. Trop de sérotonine dans le cerveau, potentiellement mortel. Mortel ! Oh non ! Je gémis, pas déjà, pas maintenant, pas si vite. Ne me quitte pas, seulement 20 ans avec toi, c'est trop peu, c'est trop court, inacceptable, cruel. Trop de sérotonine, hormone du bonheur. Les voilà tous installés autour de la table. Tout de suite, nos enfants ont pris les choses en main en attendant qu'enfin le médicament fasse effet. Ils contrôlent la situation. Heureusement, hier, entre deux crises, j'avais fait le dessert, préparé tout le repas. Mais qu'est-ce qui se passe de nouveau, Seigneur? Pourquoi le Toubib ne répond-il pas à mes messages? En ce sublime week-end de l'Ascension, il fait si beau! Si tu n'avais pas été cloué par la souffrance, à pleurer toutes les larmes de ton corps pendant que je te serre dans mes bras, comme tu aurais aimé musarder dans la chaleur du soleil enfin revenu. À nouveau, tu t'es assoupi. À moins que tu ne sois dans le coma. Et je suis là, charmante hôtesse qui rit à la table familiale, qui resserre à la ronde, qui pourvoit au bien-être de chacun, présente sans l'être tandis que notre fils me remplace à tes côtés et que notre fille m'assiste efficacement. Saloperie de syndrome sérotoninergique. La première fois qu'il t'est tombé dessus, nous avons pensé qu'il était dû aux effets du manque. Ces malaises si pervers. Parce que tu avais décidé, désormais les enfants sont adultes, ils ont moins besoin de moi, disais-tu, de te sevrer de certaines drogues contre la douleur que tu prenais depuis 6 ans et qui t'empoisonne, c'est le mot, la vie. Je t'ai fait boire 30 gouttes de millepertuis, meurtrière que j'étais, et ton état s'aggravant à n'y rien comprendre. J'ai appelé les narcotiques anonymes, puis le toubib d'une institution censée s'y connaître en drogue. « Augmentez les doses, c'est tout ce qu'on peut faire », m'ont-ils dit de concert. Alors, en toute ignorance, j'en ai rajouté une couche. Après 4 heures de tachycardie, l'électrocardiogramme n'ayant rien donné à l'hôpital, ils t'ont mis sous benzodiazépine. Au final, non, ce n'était pas un effet de manque. Mais c'était trop tard et tu avais déjà dans la foulée perdu tous les bénéfices de plus d'une année d'efforts et rajouté un poison à l'épreuve. Vous êtes prêts pour le dessert? Je vous ai concocté une excellente forêt noire. Pas tous à la fois, il y en aura pour tout le monde. Où j'ai trouvé le syndrome? Encore une fois sur Internet. Miracle de notre époque. Heureusement que j'avais pris l'habitude de noter tout ce que nous mangeons. Si bien que d'une coïncidence à l'autre, tu étais toujours malade après une fondue au fromage, même si nous n'en mangeons plus souvent. Nous avions fini par googliser « fondue plus opiacé » et arracher le nom du pervers syndrome. Bien sûr, nous avons éradiqué immédiatement tous les aliments incriminés. Nous pensions sincèrement nous être tirés d'affaire jusqu'à cette nouvelle rechute le jour de l'Ascension. revoilà Jeannot au tapis, les symptômes empirent. Très vite, je comprends que ce sont les sardines mangées la veille au soir qui sont la cause de la nouvelle catastrophe. Elles n'étaient pas mentionnées sur la même page. Comment ai-je pu laisser passer ça? Jeannot 0, sardine 1. Jeannot veut mourir, Jeannot veut partir. Que ça cesse, mon Dieu, que ça cesse. N'importe quoi pourvu que l'enfer s'arrête. Et mes larmes n'y peuvent rien. Mourir pour une boîte de sardines pendant le week-end de l'Ascension. Il faut le faire quand même. Cette fois, nous ne tomberons pas dans le piège de l'augmentation des doses. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Il faut accrocher, mon amour. Il faut tenir le coup. Je cherche un antidote. J'écris à un copain toubib enraciné à Paris. Le seul qui répond présent et qui tente de m'aider, bien que ce ne soit pas sa spécialité. Quant au nôtre de Carabin qui m'avait confié son mail privé, nous apprendrons qu'il est tombé à l'eau et son portable avec lui lors d'un pique-nique avec ses enfants. Quand la poisse s'y met, je me sens si désespérément seule et toi, tu es en train de crever comme un chien dans mes bras. Tu t'endors à nouveau. Vite, je retourne questionner la toile. Quelques recherches plus tard, enfin, je trouve l'antidote. Un bête truc contre le rhume des foins, à même pas 7 euros la boîte. Je l'ai découvert en cherchant ce qui pourrait faire baisser le taux de sérotonine. J'ai eu du mal parce que cette fichue hormone, tout le monde en manque. Et on dirait qu'à part toi, personne n'en a de trop. Notre sauveur se nomme périactine. Son principe actif, répondant au doux nom de cyproheptadine, est utilisé pour faire baisser le taux de sérotonine dans les cas légers de syndrome sérotoninergique. « Non, il n'est pas vendu en Suisse, me dit le pharmacien ce vendredi matin au téléphone. « Pourquoi tant de haine ?» Heureusement, coup de soleil dans mon malheur, ma fille passait la journée en France et j'arrive à la joindre. Encore 2 jours de calvaire, dimanche tu seras sauvée. Pendant que tu te reposais, j'ai passé toute une après-midi à faire du rassel à nout. Ce mélange d'épices exotiques dont j'aurais besoin, mélangé à du miel pour la sauce du repas de dimanche. Je suis les indications de mon ami Swad en direct de Tunis. J'évite la muscade, sur la liste syndrome sérotoninergique, le piment aussi, et je m'interroge sur tous les aliments incriminés dans ce fichu syndrome. Allons-nous devoir nous méfier de tout dorénavant? Il paraît que chaque malade est différent, chaque sensibilité aussi. Ce qui est bon pour l'un peut empoisonner l'autre. Comment savoir? Vas-tu devoir jouer les cobayes jusqu'à la fin de tes jours? Respire, ma fille, respire. Il n'est pas encore mort. Ils sont venus, ils sont partis. Les enfants après tous les autres. Dimanche 8 mai, autre temps, autre armistice. Tu as déjà pris 3 pilules magiques. Ton regard redevient présent. Tu as perdu 9 kilos. Je t'envie, mais tu es toujours là. Grâce à la bonne médication, tu remontes la pente une fois de plus, avec une rapidité époustouflante. Viens, mon homme, allons faire quelques pas dehors dans les derniers rayons du soleil. Comme aurait pu le dire Dylan Thomas, les amants réchapperont des méfaits du poison et la mort n'aura pas d'emprise. Ce texte audio gratuit vous a été lu par son auteur pour audiocité.net. Merci de l'avoir écouté.